Chapitre 8 Où le préfet de Jérusalem commence à montrer ses dents. Angoulafre, qui jusque-là était resté impassible, commença à sentir la rage lui monter à la gorge. Il s'avança vers le lion qui s'était couché de nouveau aux pieds de la maîtresse de son choix, et l'enleva de terre par l'oreille aussi facilement que nous prendrions un lapin. Puis il s'apprêta à lui tordre le cou. Olivier s'avança. « Quelle rançon te faut-il pour ce lion ? C'est un jouet qui plaît à ma sœur, et je serai aise de le lui offrir. Veux-tu de l'or ou des pierres précieuses ? Au pays où je commande, sur les bords de la mer Rouge, j'ai un palais de turquoise aux colonnes de cristal. Nul n'est assez bon marcheur pour en faire le tour entre le lever et le coucher du soleil. 100 tourelles d'argent s'élèvent vers le ciel. Sur chacune d'elles se tient un chœur ou un orchestre. Au centre est un dôme gigantesque en or émaillé, et sur le faîte un diamant si gros et si étincelant qu'on le voit la nuit à 30 lieues en mer. On l'appelle le diamant du salut, parce qu'il guide nos marins et rivalise avec l'étoile polaire. J'ai une épée nommée Glorieuse. Galas, Munificant et Anzias y travaillèrent chacun 2 ans. Tu n'ignores pas qu'ils firent en outre 9 épées, chacun 3. Anzias fit Baptisme, Florence et Graban à Fierabras. Munificant fit Durandal à Roland, Sauvagine et Courtin à Auger le Danois. Galas fit Flamberge et Joyeuse à Charlemagne et La Tierce, Haute-Claire, pour Clausamont. Quand les 10 épées furent faites, les 3 frères firent venir un géant et lui dirent de frapper de toutes ses forces Glorieuse du tranchant des 9 épées. Glorieuse subit l'épreuve et entailla les 9 lames à 1 pied de la poignée. Donne-moi ce lion et Glorieuse est à toi. Angoulafre sourit et laissa voir une double rangée de dents jaunes comme le cuivre et tranchantes comme des haches. « Que ferai-je de tes armes ? Regarde et dis-moi si j'en ai besoin. Vois ses ongles, ils pénètrent plus avant dans l'acier que les tiens dans la chair. Vois ses dents, quelle machine de guerre aurait autant de puissance ? Je puis en les joignant sans effort couper un chevalier en 2 à la ceinture. Vois ses mains, elles cueillent un chêne comme tu cueilles une violette. Vois ses bras effrémis. Un jour en chasse, chez le roi de Perse, j'ai étouffé un éléphant. Vois ses pieds et tremble de les approcher. Dans la Nubie, un rhinocéros présomptueux m'attaqua. Il me fit une entaille dans le mollet. La corne brisée resta dans la blessure et j'écrasai le colosse sous mes pieds. À quoi me servirait ton arme ? Il me faut ce lion, cependant. Et puisque tu ne veux pas accepter rançon pour lui, il sera le prix de notre combat. Prétendrais-tu me combattre seul ? Dit Angoulafre en riant d'une façon si bruyante que le lion crut sa dernière heure venue. Faut-il donc se mettre à plusieurs pour combattre un chien ? Le géant surpris lâcha le lion. Celui-ci fut en boitant se cacher derrière Aude, comme un caniche qui vient de recevoir une correction. Soit, dit Angoulafre, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu me vois disposé à rire et bénissant ton Dieu. Je ne suis d'ailleurs pas fâché de te faire voir comment mordent les chiens de mon pays. Pendant cette discussion, les spectateurs, encore plus curieux qu'effrayés, avaient repris leur place. Les chevaliers, avec l'aide de leurs écuyers, étaient remontés sur leurs coursiers. Les restes de Mourad avaient disparu. Charlemagne, ayant gagné la loge royale, fit signe que le tournoi pouvait commencer. Les trompettes retentirent de nouveau, mêlant leur éclat au bruit strident de la musique sarrasine. Les héros parcoururent l'arène, assignant à chacun son poste de combat. Alors Angoulin, fraudant de cuivre, s'approcha de Charlemagne. Est-ce bien toi qu'on appelle le roi? Et quel peuple est donc celui de France que tu suffis à le gouverner? Est-ce un souverain que j'ai devant les yeux, un souverain vêtu de soie comme une femme? Vous nous appelez chiens, chrétiens maudits, et vous vivez dans des taupinières comme si vous aviez conscience de salir le soleil qui daigne vous toucher du bout de ses rayons de rebut. Dans mon pays, le roi n'est pas seulement roi par la naissance. Fût-il caché au milieu de 100 000, on dirait en le voyant, voilà le roi. Il s'habille de fer et rougirait de se laisser voir vêtu d'étoffe quand ses fidèles vont combattre. Quoi, récent hardiesse, tu as laissé mourir devant toi un héros, fils de roi, sans essayer de lui porter secours. Tu as eu plus pitié des tiens que de ton hôte, et vraiment vous avez dû vous réjouir, vous autres, en le voyant tomber. Mahomet l'a rappelé à lui, indigné de voir que nous étions deux pour défendre son nom contre d'aussi chétifs adversaires. Je suffirais seul à pareille besogne. Envoie-moi donc tes pairs et barons, ensemble ou séparément, et s'ils osent entreprendre cette aventure, crois-moi, embrasse-les une dernière fois avant de t'en séparer. » Et, montrant Olivier, Angoulafre continua. « Ce petit qui est là-bas a osé me défier. Donne-lui une escorte un peu digne de moi s'il s'en trouve ici, et je consens à perdre quelques instants avec lui. » Charlemagne n'était pas habitué à entendre de pareils discours. Son sang bouillait dans ses veines, et suivant un cours irrégulier, lui apportait par moments la rougeur au front ou le laissait livide comme un mort. Il faut croire qu'on ne meurt pas de colère, puisque Charles a vécu depuis. Sa noblesse n'était guère plus calme. Angoulafre, lui, souriait toujours. C'est par des coups de lance qu'on répond à de telles paroles. Tu en vas recevoir 100 pour chacune des syllabes que tu as osé prononcer. Mal dit, roitelet, reprit le géant. Nos vaillants n'ont jamais besoin de porter 2 coups à leurs adversaires. Assez de paroles, seigneur, dit Roland. Ne voyez-vous donc pas combien nous souffrons d'attendre? Puis à Olivier. Mon frère, mon ami, tu trouves beau mon château des bords de la Seine, prends-le et laisse-moi combattre le premier. Non, dit Olivier, pour la tiare, je ne céderai pas cette occasion de mériter mon entrée en paradis. Prends mon cheval et cède-moi ta place, dit Auger le Danois. Tu sais que Tachebrun n'a pas d'égal. Vous êtes fou d'insister, et c'est vraiment me faire injure. Aucun de vous ne ferait ce que vous me demandez. Olivier, après avoir baisé la main du roi, se fait armer et court prendre place à l'extrémité du champ clos, en face d'Angoulafre, qui continue ses ricanements.